إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الفرق التي ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة فرق كثيرة لكن شرها وأخبثها هم الخوارج قال الإمام أحمد رحمه الله الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض شرا منهم والخوارج قوم يكفرون المسلمين بالمعاصي والذنوب وينكرون على ولاة الأمر بالقوة والسلاح ومن صفاتهم كثرة العبادة من صلاة وصيام وقراءة القرآن وقلة العلم فلا يفقهون دين الله عز وجل إلا شيئا قليلا اغتروا به فرأوا أنفسهم خيرا ممن خالفهم من جمهور المسلمين وأهدى سبيلا ويغلب عليهم حداثة الأسنان فعامة من يتبنى رأي الخوارج هم من الشباب الذين يغلب عليهم الحماس دون الحكمة ومن صفاتهم سفاهة العقول والطيش والخفة والاستعجال يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ويقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم الحديث أخرجه مسلم فلا ينبغي للمسلم أن يغتر بعبادة الخوارج ولا بحسن كلامهم فإنهم شر الخلق سيدنا الله Sachez que parmi les sectes qui ont dévié de la voie de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, il y a de nombreuses sectes. Mais la pire d'entre elles et la plus mauvaise d'entre toutes les différentes sectes qui ont dévié de la voie de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, il y a la secte des Khawarij. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit à leur sujet que les Khawarij sont des gens mauvais. Et je ne connais pas sur la terre de gens plus mauvais qu'eux. Les Khawarij sont des gens qui déclarent les musulmans kuffars à cause des péchés qu'ils commettent. Et ils dénoncent et se révoltent contre les dirigeants musulmans en utilisant la force, en utilisant les armes. Et parmi leurs caractéristiques, il y a le fait qu'ils s'attachent à l'adoration, à la prière, au jeûne et à la récitation du Coran. Mais toutefois, ils récitent le Coran sans aucune compréhension et sans aucune science. Et avec le peu de science qu'ils ont, ils se sont laissés tromper. Et ils se sont pensés meilleurs que tous ceux qui les contredisent parmi la majorité des musulmans. Et ils pensent qu'ils sont mieux guidés qu'eux. Et une de leurs caractéristiques qui apparaît le plus chez eux, c'est le fait que ce soit des gens qui sortent parmi des jeunes. Hein, on retrouve la majorité d'entre eux que ce sont des jeunes. Et la plupart de ceux qui ont adopté les idéologies des Khawarij, ce sont des jeunes qui se laissent emporter par les émotions et par leurs sentiments et qui ne suivent pas aucune sagesse. Et parmi leurs caractéristiques également, la faiblesse de leur esprit et également le fait qu'ils se précipitent et ils ne prennent pas leur temps pour réfléchir aux conséquences de leurs actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, il va sortir des gens vers la fin des temps qui sont jeunes et faibles d'esprit. Ils disent parmi les meilleures paroles au monde, ils disent les meilleures paroles au monde. Ils récitent le Coran sans que cela ne dépasse leur gorge. Donc ils récitent le Coran mais sans aucune compréhension. Et ils quittent la religion comme la flèche quitte son arc. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous les rencontrez, alors combattez-les, car celui qui les combat aura une récompense au jour de la résurrection auprès d'Allah. Et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il est également rapporté dans un autre hadith au sujet des Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui vont sortir dans ma umma, ils vont réciter le Coran. Et si vous comparez votre récitation à leur récitation, eh bien, votre récitation ne compte pour rien. C'est-à-dire, si vous comparez la récitation des Khawarij à la récitation des Sahaba, ils récitent plus que les Sahaba. Et la salat qu'ils font est plus que la salat des Sahaba. C'est-à-dire, les Sahaba, quand ils regardent leur prière, c'est comme s'ils disent « on n'a rien fait ». Et quand ils regardent leurs jeûnes, c'est comme s'ils disent « on n'a pas jeûné » ou « on n'a pas fait assez de jeûne » comparé à eux. Et ils récitent le Coran. Ils pensent que les versets qu'ils sont en train de réciter sont en leur faveur, alors que ce sont des versets qui sont contre eux. Et ça, c'est à cause de leur ignorance et de leur incompréhension du Coran. Et donc, il ne faut pas que le musulman se laisse impressionner par la quantité d'adoration que ces gens-là font. Et par la beauté de leurs paroles. Parfois, tu les entends parler dans la science et ils parlent avec éloquence. Ils parlent avec, des belles paroles et donc certaines personnes se laissent impressionner par ça. Alors que ce sont les pires des créatures. Hein? Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par l'apparence et par l'adoration seulement. Mais il faut regarder de façon générale la façon dont la personne a pris sa religion et est-ce qu'elle suit la compréhension de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a ou bien elle suit la compréhension des Khawarij. يقول الإمام الأجري رحمه الله فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان أو فاجرا أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. الإمام الأجري un parmi les imams des salaf, un des contemporains de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit dans son livre Al-Sharia, il ne convient pas à celui qui voit quelqu'un qui a fait des efforts mais selon la voie des khawarij et dans la méthodologie des khawarij, il a vu un khariji qui est sorti, qui s'est rebellé ou qui s'est révolté contre un dirigeant. Peu importe que ce dirigeant soit juste ou injuste, peu importe que ce dirigeant soit pieux ou qu'il soit pervers, s'il est sorti contre lui, s'est révolté contre lui et il a réuni un groupe avec lui et il a soulevé son épée et a rendu le sang des musulmans halal et il s'est permis de combattre les musulmans, alors il n'est pas permis pour toi de te laisser impressionner ou de te laisser tromper par la récitation du Coran qu'il récite ou par la longueur de sa prière ou par le fait qu'il prie ou qu'il jeûne constamment ou bien par la beauté des mots qu'il prononce quand il parle de la science, si sa voix est la voix des Khawarij. وسمي الخوارج بهذا الاسم لخروجهم على الحكام على حكام المسلمين وجماعة المسلمين وكذلك بالتحريض على الخروج كالخوارج القعدية لأن الخوارج فرق مختلفة متنوعة ومنها نوع من الخوارج تسمى القعدية وهذه الفرقة من الخوارج لا تخرج على الحاكم بنفسها ولكن تحث الآخرين على الخروج وتحثهم على الخروج فهؤلاء العلماء قالوا عنهم أنهم شر الخوارج ومن أخطر الخوارج لأنهم يبثون السموم في أفهام الناس وذلك أنهم لجهلهم بحقيقة الدين يستنكرون بعض سياسة الحاكم وتصرفاته فيحملهم السفه والطيش على الإنكار عليه ثم يغلب بهم الغلو إلى تكفيره ثم يبلغ بهم الغلو إلى تكفيره ثم إذا وجدوا أعوانا تجمعوا وخرجوا على المسلمين بقوة السلاح من باب إنكار المنكر والعياذ بالله وخروجهم لم يقتصر على ظلمة الأئمة وسلطان الجور بل هم في حقيقة الأمر لا يرضون بسلطان من المسلمين برا كان أو فاجرا فقد اعترض رئيسهم على أفضل الخلق وأعدلهم محمد صلى الله عليه وسلم فحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعض الأموال قسمة لم يستسغها قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل سبحان الله من يعدل إذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإذا لم يرضى زعيم الخوارج ورأسهم بسياسة محمد صلى الله عليه وسلم أتظن أحفاده وأذنابه يرضون بسياسة أحد من بعده لا والله Mes chers frères, serviteurs d'Allah, sachez que parmi les raisons pourquoi on appelle les Khawarij, c'est à cause du fait qu'ils se révoltent et qu'ils sortent contre les dirigeants musulmans et contre les musulmans. Et il y en a parmi les Khawarij qui sont différentes catégories, et parmi ces catégories-là, il y en a une en particulier qu'on appelle Al-Khawarij Al-Qa'adiyya. Et les Khawarij al-Qa'adiyya ne sont pas eux-mêmes contre les dirigeants avec les armes. Et ils ne font pas eux-mêmes la révolution contre un dirigeant musulman. Mais ils incitent les autres à le faire et à se révolter avec la parole. Et ils font croire aux autres que c'est de sortir contre les dirigeants musulmans, c'est de faire le djihad fi sabilillah. Et donc cette catégorie de Khawarij qu'on appelle al-Qa'adiyya sont parmi les pires. Et les ulama d'Ahl Sunna wal Jama'a ont dit que ce sont les pires et les plus dangereux d'entre les Khawarij. Et la raison pour laquelle ils sortent contre les dirigeants musulmans, c'est à cause de leur ignorance de la religion. Et parce que certains désapprouvent de la politique de certains dirigeants et de leur façon de traiter certaines questions, et donc leur futilité et leur faiblesse d'esprit les amène à vouloir dénoncer ou condamner ouvertement ce que font ces dirigeants-là. Et puis par la suite, à cause de leur extrémisme, eh bien, ils vont jusqu'à à le déclarer kafir. Puis ensuite, s'ils trouvent des gens pour les aider, eh bien, ils vont se révolter contre les musulmans par la suite. Parce que ça commence toujours comme ça. Ils font le takfir du dirigeant. Et après, ils testent les gens avec ce dirigeant. C'est-à-dire, ils vont demander aux musulmans, qu'est-ce que tu dis à propos de ce dirigeant-là? Et si tu ne dis pas comme lui que le dirigeant est kafir, eh bien, ils te considèrent toi aussi comme étant un kafir parce que tu refuses de le déclarer kafir. Et ils font la même chose avec les ulama de l'islam. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux savants de l'islam, est-ce que vous considérez que ce dirigeant-là est kafir? Et s'ils ne disent pas que ce dirigeant est kafir, parce que les ulama de l'islam, ils ne jugent pas selon leur passion, ils ne jugent pas selon les émotions ou les sentiments, mais ils jugent selon la charia d'Allah. Et donc quand ils vont juger au sujet de ces questions qui ont rapport avec le takfir, et qu'ils jugent d'une façon qui est en contradiction avec les passions des khawarij, eh bien automatiquement les khawarij vont les déclarer kuffar aussi. Et par la suite ils vont déclarer toute la population, les policiers et l'armée, et tous ceux qui travaillent dans l'État comme étant des kuffar aussi, par extension, et par la suite toute la population aussi, puisqu'ils vont dire que la population qui refuse de se révolter, eux aussi sont des kuffar. Et c'est ainsi qu'ils se permettent de tuer et d'égorger les musulmans au nom de l'islam par la suite. Et c'est ce qu'on a vu apparaître dans de nombreux pays musulmans, dans le dernier siècle et dans les dernières années, comme en Algérie et ailleurs également. Et ce qu'on voit actuellement dans certains pays musulmans, c'est juste un exemple de ça. Et donc par la suite, ils prennent des armes. Et ils s'imaginent qu'ils veulent faire inkar al-munkar, c'est-à-dire condamner le mal ou interdire le mal. Mais les ulama de l'islam ont expliqué que pour interdire le mal, il faut être certain qu'il ne va pas y avoir comme conséquence un mal qui est plus grand. Si quand tu vas venir pour interdire un mal, tu vas créer quelque chose qui est plus mal encore, eh bien dans ce cas-là, il t'est interdit d'interdire ce mal. Wa kharaju wa la yaqtasir ala ظلمات الأئمة. Donc leur rébellion et leur révolte ne s'est pas limitée qu'à se révolter contre les dirigeants injustes, parce que c'est ce qu'ils prétendent. Mais lorsqu'ils trouvent même des dirigeants qui sont parmi les meilleurs et les plus pieux, eh bien ils essaient de justifier leur révolte contre eux. Et l'exemple de ça, c'est le chef, la tête des Khawarij, Dhul Khuwaysira, qui a même agit de cette façon-là avec le meilleur des hommes, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin d'une manière qui ne le satisfait pas, hein, qui ne faisait pas son affaire. Et donc il a dit à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sois juste Mohammed car tu n'as pas été juste. Et subhanallah, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas juste, qui d'autre que lui sera juste après? Et donc, ça c'est l'exemple que tout autre dirigeant qui va venir par la suite, même s'il fait partie des pieux, eh bien, ils vont justifier, ils vont trouver une excuse pour se révolter contre lui et pour sortir contre lui et prendre les armes pour le destituer ou l'enlever du pouvoir. وَلِهَذَا جَاءَ فِي بَعْدِ أَخْبَارِ بَنِ إِسْرَائِيلَ الَّتِي تَحْتَمِلُ الصِّدْقَ أن الخوارج خرجوا على داود عليه السلام في زمانه ذكره كعب الأحبار ثم إنهم خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه ثم انشقوا على علي رضي الله عنه فقاتلوه وقتل منهم جمعا كبيرا يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج وقتل جمعا كبيرا منهم ثم قتلوا عليا رضي الله عنه وما زال خروجهم مستمرا على حكام المسلمين وجماعتهم وسيبقى خروجهم إلى آخر الزمان حتى يخرج فيهم الدجال كما رواه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا وصححه البوصيري بل إنهم سيقاتلون مع الدجال ضد المسلمين كما رواه النسائي فلا يرضون بعيسى بن مريم فيما يظهر والله المستعان. Et donc parmi les exemples de ce que nous avons mentionné également, le fait qu'ils se sont même révoltés et rebellés contre Othman ibn Affan et qu'ils l'ont tué par la suite, et également le fait qu'ils se sont ils sont sortis contre Ali radiallahu anhu, et Ali en a combattu un grand nombre et par la suite ils l'ont assassiné radiallahu anhu. Et ils continueront à apparaître. C'est-à-dire les Khawarij, ce n'est pas une secte qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis qui est terminée et qui a cessé d'exister. C'est une secte qui continue à réapparaître au cours de l'histoire. Ils réapparaissent à chaque fois. Hein? Et chaque fois, ils réapparaissent et ils sont combattus par les musulmans. Et ils vont continuer à sortir jusqu'à la fin des temps. Et les derniers d'entre eux vont être même avec le Dajjal. Ils vont sortir avec le Dajjal contre les musulmans. Et ils vont refuser Isa ibn Maryam. فإذا علم المسلم أن مذهب الخوارج مذهب باق في الأمة فعليه أن يحذر سبيلهم وينأى بنفسه عن الأسباب التي تؤدي به إلى الوقوع في حبائلهم وشراكهم ومن تلك الأسباب البعد عن علماء السنة والجماعة فمن سعادة المسلم أن يطلب العلم على أيدي كبار العلماء الذين عرفوا بالرسوخ في العلم ولزوم السنة والعمل الصالح والذين هم امتداد للسلف الصالح فأخذ العلم على أيديهم أمان من المزالق بتوفيق الله وفضله والزهد في أخذ العلم عنهم من أسباب الانحراف كما حصل للخوارج الأول فإنهم لم يأخذوا العلم عن الصحابة وإنما أخذوه عن جهالهم الذين يقرؤون القرآن ويفسرونه بحسب ما ظهر لهم فضلوا وأضلوا. Et donc, parmi les causes du fait que les gens se font éprouver par les khawarij, c'est qu'ils se sont éloignés des ulama. Et parmi les choses qui amènent le bonheur aux musulmans, c'est qu'ils recherchent la science auprès des savants de l'islam, parmi les grands savants qui sont fermement enracinés dans la science et qui s'accrochent fermement à la voie de la sunna et des hommes pieux. Et ces grands savants sont ceux qui découlent de l'exemple qu'on a suivi des salafus salih, de nos pieux prédécesseurs. Donc la science s'est transmise de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juste par l'intermédiaire des sahaba, puis des tabi'in, puis des tabi'in tabi'in, et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à notre époque. Aujourd'hui, et ces grands savants se sont transmis cette science, comme on a dit, de génération en génération. Et donc, de prendre la science d'eux, c'est une sécurité contre les erreurs et les chutes, par la grâce d'Allah et par son succès. Et de ne pas prendre la science de leurs mains, eh bien c'est quelque chose qui amène à tomber dans l'égarement et la déviation, comme cela est arrivé au premier Khawarij, parce qu'ils n'avaient pas pris la science des Sahaba. Les premiers Khawarij n'ont pas pris leur science des Sahaba, ils ont pris leur science des ignorants parmi eux. Et c'est comme ce qu'on voit à notre époque aujourd'hui, puisqu'ils ont déclaré les savants comme étant des kuffars, puisque pour eux, ils sont des kuffars puisqu'ils n'ont pas déclaré les dirigeants mécréants. Et donc, au lieu de renvoyer les musulmans aux savants, ils renvoient les musulmans à eux-mêmes. Ils disent, prenez pas des savants, prenez de nous. Alors qu'eux sont des ignorants de l'islam. Et donc, ils se limitent à interpréter l'islam selon leur propre compréhension. والذين وقعوا اليوم في تكفير الحكام والمسلمين هم من الذين لم يعرفوا بالأخذ عن العلماء عن علماء السنة وإنما كانوا أبعد شيء عنهم بل من الذين يرمون العلماء بالعمالة والخيانة وكتمان الحق إلى غير ذلك من الألقاب السيئة فلا عجب أن يقعوا فيما وقعوا فيه من التكفير وشق عصا الطاعة. Et donc parmi ceux qui sont tombés dans le takfir aujourd'hui, le takfir des dirigeants et des musulmans en général, eh bien ce sont ceux qui n'ont pas été connus par la science, c'est-à-dire on ne connaît pas ces gens-là comme étant des étudiants de science ou des gens qui ont étudié ou pris la science, des hommes de science et des savants de l'islam. Au contraire, on les connaît comme étant des gens qui se sont toujours éloignés des hommes de science et qui les accusent d'être des agents ou bien d'être des traîtres ou de cacher la vérité ou ils les accusent de toute autre sorte de ils les traitent, ils les appellent par toute autre sorte de noms qui sont mauvais et donc c'est pas étonnant que ces gens-là soient tombés dans le takfir et dans l'opposition de l'autorité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفكر الخارجي الجهل بحكم الشرع في كيفية التعامل مع ولاة الأمر مع ولاة أمر المسلمين، والذي يقوم على السمع والطاعة في المعروف وبذل النصح لهم وستر معايبهم والدعاء لهم بالتوفيق والصلاح وإن جاروا وظلموا. فحين جهل كثير من شباب المسلمين مثل هذا أصغوا للذين يقدحون في ولاة الأمر في المجالس أو المنابر أو الصحف أو المنتديات وغيرها، مما أدى إلى إيغار الصدور واشتعالها بالبغضاء لولاة الأمور، فسهل على دعاة الباطل تجنيد بعض شباب الأمة ضد بلادهم وأوطانهم وولاة أمرهم. ومن هنا يجدر التنبيه إلى أنه من الغلط العظيم أن يفهم الشباب الذي سلك طريق الاستقامة أو ما يسمى الالتزام أن التزامه يعني بغض ولاة الأمر، فهذه تربية خارجية، فليحذر ممن يربيه على تلك الطريقة، بل التزامه بدينه حقا يفرض عليه أن ينصح لولاة الأمر وأن يدعو لهم وأن يريد لهم الخير والصلاح والاستقامة، وأن لا ينطوي قلبه على الحقد والبغض لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم وموطأ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم. Donc mes très chers frères, parmi les causes également qui ramènent les gens à tomber dans la pensée des khawarij, il y a l'ignorance du verdict de la charia au sujet de la façon dont on doit agir avec les dirigeants. Dans l'islam, il y a une façon bien spécifique et particulière comment on doit traiter les responsables et les dirigeants musulmans. Et c'est-à-dire qu'on doit les écouter et leur obéir dans le bien et de leur donner le bon conseil. C'est-à-dire que s'ils font une erreur ou une faute ou qu'ils font de l'injustice, eh bien il faut leur donner le bon conseil. Et il faut couvrir leurs défauts et faire des invocations en leur faveur pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner le succès et de les rendre bons, même s'ils font de l'injustice et même s'ils sont injustes. Et il y a beaucoup de jeunes musulmans qui ignorent ce verdict de la charia parce qu'ils ont été éduqués à insulter et attaquer les dirigeants et à parler contre eux dans les assises ou à entendre parler contre eux sur le minbar ou dans les journaux ou dans les forums. Et donc à cause de ça, ils ont les cœurs remplis de haine contre les dirigeants. Et après, il est facile à ceux qui veulent inviter à l'égarement parmi les gens qui appellent à la voix des Khawarij de les inciter à se révolter contre leur umma et contre leur peuple et contre leurs dirigeants par la suite, parce que c'est l'éducation des Khawarij. Et beaucoup de jeunes musulmans ont été inspirés par ces idéologies-là en écoutant des prêcheurs parmi les prêcheurs du groupe des Khawarij, et ils ne le savent pas. Hein? On leur a fait croire que pour être sur l'islam et d'être un bon musulman, ça veut dire détester le gouvernement et détester le dirigeant, et que tous les défauts et tous les problèmes qui arrivent dans le monde entier, c'est à cause d'un seul homme, c'est celui qui est au pouvoir. Et que si lui il n'est plus au pouvoir, on va vivre comme sur un paradis sur terre. Et ça, c'est un mensonge, c'est une fausseté. Puisque le fait de changer ce dirigeant-là, si le peuple ne se change pas lui-même aussi, ne va rien changer à la situation. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran: « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer qu'est-ce qu'il y a en un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Et donc Allah n'a pas dit tant qu'ils n'ont pas changé leurs dirigeants. Il a dit tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc tu peux changer tous les dirigeants de la terre si tu veux, mais si le peuple reste tel qu'il est, dans le peuple ne voit que l'injustice de celui qui est au pouvoir, mais oublie de voir son propre injustice, son propre ignorance, sa propre transgression et son propre mal, et aime plutôt mettre le tort sur le dos de quelqu'un d'autre et d'en faire une cible, parce que c'est plus facile hein, pour s'innocenter et d'oublier sa responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم